Est-ce que le langage peut être honoré avec la même finesse que la question du temps? Parce qu'au fond, vous nous mettez dans la contradiction de dénoncer et dépasser des abus de langage par du langage. On est bien par une critique du langage qui se fait avec les ressources et les moyens du langage, fondamentalement. Et alors, j'ai bien compris que. Donc, alors, quand on suit Wittgenstein, donc, vous nous dites bien, j'aimerais bien retrouver, le temps est dit dans le langage et non pas par le langage, mais c'est bien dans le langage que vous nous faites une sorte je ne vais pas dire de terme de thérapie, mais de clarification conceptuelle absolument nécessaire, par ailleurs. Mais donc, cette espèce de contradiction. Bon, moi je suis linguiste de formation initiale, donc j'ai tendance à défendre les langues, c'est le bien le plus précieux, etc. Oui, j'ai un peu alors, si vous me tapez sur le langage, enfin bref, c'est un peu. Je réagis de cette manière-là, mais j'aimerais insister sur la sorte de contradiction que vous devez tenir de dénoncer les abus de langage par d'autres jeux de langage. C'est pour ça que je n'ai pas vu le temps passer. Hein.